Donc là, on est en 1985, donc par rapport à la période qu'on a évoquée jusqu'à présent, évidemment, on fait un saut en avant dans l'histoire. Et ça me donne envie de te poser la question justement des moyens là, de production, parce que finalement, entre 78, la création de Rexquise, et 1985, vous connaissez une transition, une période de transformation, d'évolution extrêmement importante sur laquelle justement on va revenir tout au long de cette année. En termes économiques, politiques d'abord peut-être, et techniques bien sûr. Donc là, c'est tourné avec quels moyens et quels sont, entre 78 et 85 en l'occurrence, vos moyens financiers, Rexquise ? Comment ça fonctionne ? Comment ça fonctionne ? En fait, il y a une aide de la municipalité de Mont-Saint-Barœul qui a pris essentiellement la forme donc, de ce local qu'on entreaperçoit et qui est filmé donc au moment où les personnages tournent, là, qui est un fort donc qui a été réhabilité et dans lequel donc il y a maintenant un centre de documentation puis la station vidéo. Et d'autre part donc entre temps il y a, enfin là c'est la complexité des chronologies mais qui nous fait faire un saut en avant. La période des années 80, nous on va être comme beaucoup d'autres collectifs travaillant en région très fortement préoccupés de ce qui se met en place localement. Et donc on a un soutien technique du Centre Régional de Ressources Audiovisuelles, qui est une structure qui s'est mise en place entre-temps dans le cadre, au départ, des décentralisations des centres de production en région. Donc au début, c'était une structure qui était plus tournée vers le cinéma. Mais la particularité de la région Nord-Pas-de-Calais, c'est que sur la base d'une enquête menée au départ par les associations qui s'étaient regroupées, en fait, pour dégager les besoins dans la région a dégagé donc en fait plusieurs structures qui étaient censées aider, et parmi ces structures, outre le centre de production donc tourné plus vers le cinéma, il y avait donc ce centre de ressources audiovisuelles qui était destiné à aider essentiellement le secteur associatif, les collectivités locales et les groupes qui démarraient avec la vidéo. Donc il y a ce soutien logistique, et par ailleurs il y a un autre phénomène qu'on va retrouver aussi dans un certain nombre d'ateliers par la suite, qui est la collaboration avec les mouvements d'éducation populaire, puisque nous on est dans une région dans laquelle les mouvements d'éducation populaire ont eu une énorme importance. Ils sont restés pendant très longtemps, en particulier Peuple et Culture. Et à ce jour, il y a toujours Travail et Culture qui fait un travail qui est tourné en grande partie, mais pas uniquement, vers l'audiovisuel. Donc ça, c'est une particularité aussi qui est intervenue donc dans la façon dont on s'est repositionné durant cette période, avec donc l'axe toujours de la réalisation et de la production, et l'axe de la diffusion, puisqu'il y avait toujours cette dimension diffusion qui va déboucher après sur la mise en place de la station vidéo. Et donc là, c'est tourné, j'imagine, en pneumatique, oui, en trois quarts pneumatique. Oui, oui, oui, donc oui, on a une vraie transition technologique. Carole Roussopoulos disait qu'avec pneumatique, on était passé pour l'achat du matériel au prix d'une Rolls, après avoir ce sera à discuter, Michel aujourd'hui n'est pas là, mais on aura l'occasion de reparler des questions de financement, mais enfin elle disait que c'était l'achat d'une deux chevaux, les premières caméras vidéo portables demi-pouce, et que après le trois quarts pneumatique c'était une Rolls, et qu'en tout cas on pouvait plus s'équiper de manière aussi non pas individuelle mais en termes de groupe, de petits groupes, comme c'était le cas au tout début des années 70 ou au milieu encore des années 70. Donc il y avait quand même une reconfiguration, et pour les groupes vidéo c'était en général difficile justement de suivre au niveau de l'achat quand il y a eu cette transition vers du matériel plus lourd, comme ça a été dit tout à l'heure en introduction. Je pense que là on croise beaucoup d'enjeux là, à travers l'exemple, tu vois, de Rexquise que tu viens de dire, beaucoup de choses qui reviendront tout au long de l'année. Alors, ça, on va refaire un bond cette fois en arrière pour essayer de retracer avec toi un peu l'histoire de ces mouvements de fédération de l'audiovisuel militant à une échelle aussi bien régionale, c'est le cas pour Rexquise évidemment, c'est un ancrage, tu l'as bien dit, régional, mais surtout les fédérations à un niveau national, européen et international. Donc, qu'est-ce qui t'amène, toi, à devenir membre du bureau de la FECIP, de la Fédération européenne du cinéma progressiste, sur quelle période, et peut-être quelle était aussi ton implication au sein du MEI le mouvement de l'audiovisuel d'intervention, lui, qui est créé en 1978, donc ensuite, plus tard. Alors, je crois que les repères chronologiques permettent bien de comprendre qu'en fait, il y a un lien constant entre... C'est pour ça que c'est un peu compliqué de reprendre les choses aussi. Je vais essayer d'être la plus claire possible. Entre ce qui se joue au niveau international, les retombées au niveau national, et en particulier les rencontres successives, soit dans le cadre de Grenoble, soit dans le cadre de Rennes, soit les rencontres à Paris, et ce qui se joue au niveau européen, bien sûr, et ce qui se joue au niveau régional pour un certain nombre d'entre nous. Moi, je prends le Nord à titre d'exemple, mais on pourrait prendre aussi d'autres régions. Voilà, donc en fait, moi, la première chose qui me sollicite, c'est le bilan des rencontres de Montréal, 74, donc qui sont un moment important, parce que c'est une caisse de résonance d'abord de ce qui s'est mis en place dans d'autres continents, en particulier au niveau de l'Afrique et au niveau de l'Amérique latine, et puis de l'Amérique du Nord, bien sûr, et qu'il y a... donc moi, ça m'intéresse par rapport à toute la réflexion sur ce que représente, en fait, l'émergence de ces autres cinématographies et comment elles éclairent, en fait, autrement notre travail. Et d'autre part, parce que de ces rencontres vont découler une interpellation de l'Europe pour une structuration importante. De Montréal, il y a la clarification d'une résolution politique minimale qui revient sur l'anti-impérialisme, l'anticapitalisme, et aussi sur le soutien aux artistes emprisonnés, qui est une des dimensions importantes. Et puis déjà un soutien aussi à des revendications européennes plus précises pour certains pays, en particulier pour l'Espagne et la Grèce à l'époque, dictature. Donc il y a cette dimension, et d'autre part il y a aussi l'amorce d'une réflexion, d'une volonté de réfléchir sur où on en est de ces mouvements et comment on peut consolider les rapports entre ces différentes forces qui sont en présence, de façon à pouvoir créer une véritable alternative, même si déjà il y a aussi des questions par rapport à la possibilité de travailler avec d'autres réseaux et d'autres forces. Alors, il y a en particulier un texte qui appelle à l'émergence d'une nouvelle critique qui se structurerait, d'une réflexion théorique sur ce mouvement. Et puis, bien sûr, donc un document de travail des cinéastes européens, déjà, qui pose fortement la question de la censure économique, censure politique, censure idéologique, et qui pose l'idée d'un audiovisuel qui, déjà, qui s'ouvre donc à d'autres supports, qui se proposerait de réaliser des œuvres qui soient une incitation à transformer le monde, ce qui est une autre dimension par rapport aux propositions de départ. Et donc à partir de là, c'est là que vont se mettre en place les rencontres de Stockholm, puis celles d'Utrecht, qui vont conduire à la mise en place donc de la Fédération européenne pour un cinéma progressiste. Et dès les premières rencontres, donc je vais à Stockholm, et là, immédiatement, il y a un noyau de groupes et d'individus du cinéma et de l'audiovisuel français qui viennent, et se pose tout de suite une série de questions et de tensions, et de questions qu'on va retrouver toujours par la suite. D'une part, un désir de professionnalisation pour certains. D'autre part, la question d'une diversité des situations qui fait qu'on oscille constamment entre la nécessité d'une organisation et d'autre part une disparité du fonctionnement des groupes, de par les supports qu'ils utilisent et de par les conditions de travail. La question des alliances aussi, avec qui on va travailler, où on va aller chercher des points d'appui. Que ce soit du côté des cinéastes progressistes qui travaillent dans les réseaux, que ce soit du côté des institutions, quel rapport va-t-on avoir avec elles, et la question bien sûr des rapports avec les autres continents, mais ça je n'y reviens pas. Puis c'est la question des femmes et la violence de la question des femmes dans les rencontres, mais ça je n'y reviens pas parce que je pense que vous l'avez évoqué l'année dernière déjà. Voilà. Et donc, c'est toutes ces... Pas au sein des fédérations. Ah, c'est intéressant, effectivement. C'est très... En fait, la question jusqu'à présent, je dirais, de ces échelles, tu vois, régionales, nationales, européennes et internationales, entre parenthèses, surtout occidentales quand même, ça a été extrêmement peu évoqué, voire pas du tout, justement, ça nous a fait beaucoup défaut l'an dernier. Donc on a parlé de pratiques de vidéos militantes, féministes, non mixtes, en l'occurrence, au cours d'une séance, mais la manière dont ça s'est posé à une échelle européenne ou internationale, non. Donc si tu veux en dire quelques mots, je pense que c'est bienvenu aussi, hein, enfin... Ça s'est posé très violemment parce que, déjà de par la plateforme de départ de la fédération, puisque cette dimension était complètement évacuée. Bon. D'autre part, les femmes avaient préparé les rencontres, comme elles prépareront d'ailleurs celles d'Utrecht, et elles avaient déjà un projet qui était, donc elles avaient des revendications très très précises qui seront formalisé après à Utrecht dans la publication d'un manifeste, mais aussi dans la volonté d'élaborer un catalogue de toutes les œuvres, tous les documents audiovisuels et œuvres qui avaient été faites par les femmes en Europe, et donc de mettre en place des formes de collaboration très étroites et de porter sans cesse cette question à l'intérieur de la fédération, donc de porter ses revendications à l'intérieur de la fédération. Dans ces rencontres aussi, il y a eu une série d'interventions plus théoriques qui ont reposé à nouveau la question des alliances et la question des rapports avec les institutions. Une intervention sur la question de l'organisation économique, en fait, du cinéma, de Thomas Gubach, qui était quelque chose de très important aussi, parce qu'il a amorcé un débat sur comment on se positionne par rapport à ces questions. Est-ce qu'on est dans une position uniquement de défensive, et quel rapport on entretient en fait avec ces questions. Les questions de censure avec l'exemple suédois, donc la complexité des rapports avec les institutions, et puis aussi toujours les liens avec les autres continents et la nécessité d'un soutien effectif. On est dans une conjoncture où en particulier le cinéma latino-américain est confronté bien sûr à une situation politique extrêmement difficile. Et puis les liens avec les fédérations de travailleurs du cinéma aussi, de l'audiovisuel, ce qui était une question des alliances importantes qui se posait aussi à ce moment-là. Voilà. Puisqu'on est sur la question de la vidéo, dans le cadre de ces premières rencontres, ce qui frappe, c'est la difficulté pour l'atelier vidéo de faire entendre dans un premier temps sa voix. Et qui va se manifester par deux éléments. D'une part, la volonté d'élargir donc la notion de travailleur du cinéma à travailleur audiovisuel, et d'autre part, de pointer les spécificités et les limites de la vidéo dans un petit texte qui souligne en fait les deux dimensions, quoi, les deux éléments. De ces rencontres, il y aura des retombées immédiatement en France. Avec l'appel de Grenoble, qui est donc un texte qu'on peut retrouver qui revendique deux choses, qui sur la base donc d'un retour des gens qui avaient participé à Stockholm, demande une préparation effective des rencontres suivantes, c'est-à-dire sur la base d'un bulletin qui permettra de faire circuler les informations et qui permettra d'éviter peut-être la lourdeur de la nécessité d'échange d'expérience qu'on a dans un premier temps. Et la mise en place d'un bulletin pour répercuter toutes ces informations. Et puis déjà, faire un certain nombre de propositions par rapport aux plateformes et par rapport aux initiatives communes possibles. Voilà. Et après, donc, c'est essentiellement pendant les rencontres de Utrecht que là, les uns et les autres, on a été davantage impliqués dans ce qui s'est joué à ce moment-là. Et dans les propositions qui ont été faites. Je vais peut-être revenir sur un exemple, parce que le temps va me manquer, sur un exemple qui me paraît significatif des tensions dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de l'idée que la question de l'autonomie, elle est fortement posée, mais qu'en même temps, il y a la question des rapports avec d'autres, des alliances, des rapports avec les institutions qui se posent. Et je le ferai à partir de l'atelier dans lequel j'étais, avec d'ailleurs une bonne partie des représentants de l'audiovisuel en France et en Belgique qui étaient là, qui était un atelier qui s'intitulait « Action culturelle et sociale ». Et dans cet atelier, il y a eu tout de suite une tension entre un ensemble de gens qui travaillaient avec les institutions, voire dans les institutions, et d'autres groupes qui étaient sur une position de revendication d'autonomie très fortement affichée. Ce qui a posé assez vite la question du rapport avec les réseaux ARC, justement, dont on parlait tout à l'heure, les rapports avec le CNC, les rapports avec les autres institutions qui allaient se mettre en place, et les rapports aussi avec les autres secteurs de l'industrie cinématographique et des techniciens. Et donc, entre autres, la question de l'élargissement de cette fédération à des gens qui travaillaient beaucoup plus directement dans les circuits commerciaux. Voilà. Donc, à partir de là, il y a eu des axes de travail qui ont été dégagés et qui étaient donc la nécessité de multiplier des formes de collaboration et l'idée que les choses se construiraient sur la base d'un certain nombre d'initiatives communes. Dans ces initiatives communes, il y avait la réalisation d'un ensemble de documents sur des thématiques qui étaient des thématiques à l'ordre du jour dans l'Europe de l'époque, en particulier le chômage des jeunes et des femmes, la question du nucléaire, la question des interdictions professionnelles en Allemagne, et puisque c'est une période au cours de laquelle il y a des groupes donc, et des réalisateurs qui sont sous le coup de ces interdictions. Il y a même des saisies de fichiers de collectifs et de coopératives, donc c'est un point important. Et tout ce qui est en fait information sur deux situations politiques importantes en Europe, la situation de l'Irlande à l'époque, et par ailleurs la situation du Groenland qui était aussi posée, l'idée qu'en Europe il y avait aussi en fait des revendications dont l'audiovisuel allait se faire l'écho. Donc là il y a ensuite l'objectif de réaliser donc des catalogues systématiques et une interpellation des groupes dans les différents pays européens pour travailler à la mise en œuvre de ces catalogues, pour travailler à la mise en place aussi de commissions qui étaient censées alerter sur les cas de répression, en fait, sur les situations de répression en Amérique latine, en Europe et en Europe de l'Est, ce qui avait suscité aussi des débats assez difficiles à l'intérieur. Et donc, ce sont ces éléments-là qui sont en fait portés par la fédération dans un premier temps, avant d'être repris donc par les retombées qu'il va y avoir en France au niveau de l'organisation des rencontres. Donc, pour finir peut-être sur la FECIP, pour pas avoir à y revenir ensuite. A été mis en place pour cette fédération un bureau qui était donc à la fois chargé de mettre en place ce bulletin et surtout qui était chargé d'essayer de faire en sorte que se mettent en œuvre ces propositions de travail du catalogue, de mode de coopération donc, et d'entraide au niveau des laboratoires, au niveau au niveau strictement technique et aussi d'être extrêmement attentif pour devenir une vraie caisse de résonance sur les cas de répression, de censure et plus globalement par rapport au mouvement qui était mis en œuvre dans les différents pays. Donc cette fédération, elle a publié donc un certain nombre de bulletins qu'on peut trouver archivés. Difficilement. Justement, jusqu'à présent, il y a quelques éléments, je crois, dans les archives, justement, de Vidéo 00. Mais l'intérêt des bulletins, c'est qu'il y a des présentations, il y a un gros travail de collecte d'informations, donc en vue de faire un état des lieux de la situation dans chaque pays, parce que aussi une des dimensions importantes, c'était le fait qu'il y avait une méconnaissance totale des différentes situations et des différentes institutions qui existaient en Europe. Et d'autre part, donc il y a un apport régulier aussi des groupes des différents pays sur leurs revendications, une approche critique des propositions de la FECIP, et ensuite donc un compte rendu des retombées en fait du travail de la FECIP dans les différents pays. Dans les bilans de Utrecht, il y a aussi l'annonce de la nécessité donc de rencontres qui est une démarche un peu plus réflexive à partir d'une pratique vers une théorisation et qui conduisent donc aux trois rencontres de Rennes. L'une précède les rencontres de Stockholm et après il y a les deux autres qui viennent ensuite. Et on va retrouver donc à l'intérieur des rencontres nationales une partie des questions et des tensions qui se sont manifestées au niveau international. Peut-être pour finir donc sur la FECIP, le bureau va donc se rencontrer régulièrement à l'intérieur des différents festivals européens qui les accueillent. Et en fait, la grosse difficulté de ce bureau, c'est que en fait, il fait un travail essentiellement de collecte des informations. Il est à la recherche de subventions pour pouvoir vivre, et il finit par être complètement absorbé par ses préoccupations et ne plus parvenir véritablement à assumer le travail qui était le sien de dynamiser un peu aussi. Et de synthétiser ce qui se jouait au niveau des différents pays. Donc après les rencontres de Locarno, il n'y aura plus de réunion formelle du bureau et donc le bureau aura fait des campagnes de sensibilisation par rapport à la répression. Il aura impulsé la confection de catalogues. Il aura impulsé aussi le début de la réalisation de films et d'ensembles de documents audiovisuels sur au moins une question qui était la question de l'Irlande. Et un début de prise en charge d'autres dimensions. Et il aura surtout permis la mise en place d'un système d'entraide entre les différents groupes, d'échange d'archives, et il aura permis une vision un peu plus complète donc de la diversité des situations, et donc aussi permis d'approcher plus finement les possibilités de travail avec les institutions. Locarno, c'est quelle année, tu disais, ces dernières années? Locarno, attends, je te redonne la date, c'est... on n'a pas mis la date. On est en 79, c'est la dernière rencontre... La dernière rencontre formelle. Après, il y a eu des échanges encore par courrier. Il y a eu encore un travail de coordination de fait entre les membres. Mais il n'y a plus eu de rencontres comme il y en avait eu. Donc les rencontres, c'est... il y a une rencontre à Nyon, Berlin, Lille, Pesaro et Locarno. En fait. Donc à chaque fois dans le cadre de... Et l'extension, l'extinction de cette fédération, tu la dates de quelle année? Moi j'ai plus pratiquement 80, ouais. Oui. 80, tu dis? Oui, 80. Ouais. À mon avis, fin 80, début 81, parce que, à mon avis, d'après les notes que j'ai recollectées, parce que après tout s'est recentré de ce fait sur les situations nationales. C'est très intéressant ça de constater effectivement que l'extinction de cette fédération européenne intervient en amont de la création de la fédération nationale, voilà, c'est ça. La fédération de l'audiovisuel indépendant qui sera créée en septembre 1981 en France. Ouais. Et qui prendra le relais du mai, dont on parlera dans un second temps après l'intervention de Marie-France Callas. Donc c'est effectivement vraiment intéressant de voir que c'est une très très courte période. Oui. La question qu'on se posait, nous, c'était comment finalement comment ces fédérations fonctionnaient, c'est-à-dire est-ce que ça nourrissait cet audiovisuel effectivement d'intervention forcément, mais est-ce que c'était aussi un symptôme? Il y a forcément un petit peu des deux. Ça nourrit et en même temps c'est né de ce qui existe déjà. Mais on ne sait pas dans quel Alors, sens. C'est assez compliqué de répondre schématiquement parce que il y a déjà toute une série de questions qui vont être débattues à l'intérieur des fédérations, Montréal et la suite, qui sont déjà posées par des articles qu'on a dans les revues dont je parlais. Entre autres, il y aura des choses qui seront posées assez vite dans les revues des autres continents et qui seront posées aussi après dans les notes de Guy Hennebelle dans Écran. Dans le débat que Cinéma Politique installe autour des écrits de Solanas, qui est vraiment Solanas, c'est un des fils conducteurs à travers tout le parcours, parce que il traverse donc Montréal, il revient en fait dans Stockholm, il revient à Utrecht et il va revenir à Rennes, bien entendu, et donc il y a d'une part ces textes qui circulent et d'autre part dès qu'on reprend en fait les revues et les contributions pour les rencontres préparatoires, parce que la première rencontre de Rennes elle est avant en fait Utrecht, Grenoble c'est après les rencontres de Stockholm, on voit qu'il y a déjà dans ces échanges les problèmes qui vont être reposés de la professionnalisation, la question du rapport aux institutions, avec entre autres donc après le rapport avec l'INA et les délégations d'INA pour ce qui est des régions. Les alliances, avec qui on fait alliance pour résoudre les difficultés dans lesquelles on est au niveau économique. Est-ce qu'on fait alliance avec des organisations qui existent par ailleurs, comme la SRF, comme les organisations qui regroupent les techniciens, etc. Est-ce que la question d'un nouveau langage, elle va se résoudre en rencontrant l'autre groupe qui est confronté aux problèmes économiques et aux problèmes de diffusion, qui est le groupe des expérimentaux. Et là, on va voir qu'il y a une tension là-dessus. Il y a une partie des groupes qui pensent que ça peut être intéressant, les autres qui sont farouchement opposés. Il y a une tension aussi dans l'ouverture à d'autres cinéastes et à des gens qui travaillent directement dans les circuits commerciaux. Il y a une partie qui considère qu'on n'a rien à voir avec ces gens-là et l'autre partie qui pense qu'il y a... Bon, mais ce qui frappe quand même, c'est que par-delà toutes ces tensions, il y a une volonté de continuer à avancer, quoi. Tout en marquant bien les positionnements, ce qu'on retrouve alors dès qu'on commence à regarder le bilan des rencontres de Rennes et dès qu'on commence à regarder les textes des publications là. Mais c'est vrai qu'avec le recul, on a tendance, nous, à avoir, même nous qui avons vécu les événements, à avoir la dimension revendication d'autonomie, parce qu'elle s'appuie sur une réflexion et une analyse politique qui est liée à la conjoncture aussi, et qu'on est aussi dans une période où ce cinéma est en difficulté par rapport à la question du public, par rapport à son projet tel que le définit Montréal, c'est-à-dire l'idée d'un outil de transformation aussi des sociétés. Et donc, on voit bien que ces questions-là sont présentes aussi. Et que donc, il y a vraiment un lien très, très étroit entre les différents niveaux, avec des choses qui se modulent d'un pays à l'autre, bien entendu. Il y a selon l'organisation aussi, l'état des lieux et les institutions qui existent, bien sûr, il y a des variations. Eh bien, merci beaucoup, Louisette. On reviendra évidemment sur ces questions au moment du débat, hein, à la fin. Mais c'est extrêmement intéressant de comprendre effectivement que ces rencontres à divers niveaux sont toujours des lieux de production, des lieux de débat et des lieux de production de discours portés par des contradictions. Et ça nous permet effectivement de casser ce qu'on avait annoncé au tout de suite, enfin, cette vision un peu unifiante qu'on a en général du cinéma militant ou de l'audiovisuel militant ou de la vidéo militante, qui est évidemment quelque chose de très problématique et contre lequel on essaie de lutter par nos recherches ici. On te posera des questions complémentaires tout à l'heure, mais je propose tout de suite de laisser à Alain Carou le soin de présenter Marie-France Calasp pour ce qui va maintenant être une espèce de focus autour de cette question du dépôt légal, des vidéogrammes, mais évidemment en lien avec déjà ce qui a été évoqué par Louisa Tessier. Une petite parenthèse pour commencer, on a bon espoir peut-être de retrouver à la Cinémathèque québécoise des enregistrements en demi-pouce des rencontres de Montréal, mais ça on vous tiendra au courant si ça s'avère dans les mois qui viennent. Alors oui, donc...